Marque-page. Marquez les esprits en tournant les pages. Une émission de Blaise Popperon. Je reçois aujourd'hui Dominique Lapastille pour un nouvel ouvrage très attendu et qui a fait grande sensation à Chamonix. Il s'agit de Foultitude. Dominique Lapastille, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand honneur de vous recevoir à deux titres. D'abord au titre de Foultitude, une œuvre absolument appelée à faire date, mais également parce que vous avez la particularité d'être une femme politique avec un mandat local, très engagée, je dirais, vous corrigerez si besoin, et qui a peut-être la capacité de réconcilier deux publics tout à fait antagonistes, à savoir les gens qui aiment lire et les gens qui aiment voter. Antagoniste. C'est une porte d'entrée. Antagoniste, je ne sais pas. J'ai toujours, en ce qui me concerne, concilié ces deux passions. La passion de la chose publique, qui m'a animé toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance. D'abord avec Jean Tiberi, dont j'étais extrêmement proche. Puis, au fil des ans, avec mon mentor actuel, Jacques Falconi, que je suis et... Que la justice suit aussi un petit peu, si je peux me permettre. En ce qui concerne la justice, je ne commenterai pas les décisions actuellement rendues. C'est une émission littéraire, avant tout. Pour revenir à Foultitude, justement, vous parliez d'antagonisme, et c'est un peu le voile que j'essaie de lever dans Foultitude. J'essaie de raconter, à travers les meetings, les rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie de femme politique, la passion, cette passion de l'autre qui est tellement, à mon sens, la base de la littérature, celle que je lis et celle que j'aime. Alors, c'est tout à fait réussi. Je ne dirais pas que les gens vont se précipiter dans les bureaux de vote, mais ce qui marche bien, ce qui réconcilie, ce qui fait chaud au cœur, je dirais que c'est une espèce de glacis stylistique qui rend tous ces meetings qu'on voit à la télé et entre nous, on va être très clair, hein, Dominique Lapastille, tout ça est un peu vulgaire parfois, un peu on tire les ficelles. Je ne vous fais pas dire, oui. Voilà, je vous fais pas dire, vous êtes au cœur, bon, c'est pas moi, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais dans la figure par exemple de ce double littéraire Jacques Tibéraud, on reconnaît Jean Tiberi, Il a, comme je disais, ce glacis stylistique qui le rend sympathique, humain et presque sans arrière-pensée. Parce que. Voilà, vous le disiez, vous le voyez à la télévision, vous voyez ces choses-là à la télévision. Mais moi, je les ai vécues de l'intérieur, et je les ai vécues comme une femme passionnée. Avant d'être une femme de littérature ou une femme politique, j'étais une femme de passion. Et il est vrai que, pour moi, la politique, comme la littérature, ont avant tout été des rencontres. Ça a avant tout été des rencontres. Et ce Jacques Tiberaud, oui, vous m'avez percé à jour... C'était transparent, je parlais de glacis à bon escient. Et je n'ai pas cherché à le dissimuler non plus. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est leur face humaine. On parle beaucoup à la télévision des affaires, on parle beaucoup des choses de l'État. Mais ce sont des hommes et des femmes qui font la chose publique au quotidien et qui œuvrent pour le bien public. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans Foultitude. À travers, bien sûr, cette forme littéraire qui comporte son enquête, qui comporte, bien sûr, ses personnages secondaires. Je pense notamment à Sylvie Marquez, qui est une personne extrêmement importante dans le décorum des César Arcanes de la République que j'essaie de décrire. Néanmoins, je crois que c'est l'aventure humaine, le personnage principal, le Foultitude. Et alors, vous avez mêlé les choses d'une manière... assez particulière, avec un parti pris stylistique qui détonne un peu dans le paysage littéraire français. C'est-à-dire que chaque chapitre est écrit avec un style politique. C'est-à-dire que je donne un exemple pour les auditeurs, le chapitre 1 est rédigé sous la forme d'un tract. Alors, ça c'était un pari, ça a été... c'est Jean-Michel Fouquier, mon éditeur, qui m'avait conseillé. Très grand éditeur. Oui, oui, très très grand éditeur et très grand professionnel, qui m'avait conseillé pour casser la monotonie d'un style qu'il jugeait peut-être un peu trop formé, justement par la politique, par l'habitude des discours, de varier de chapitre en chapitre les différents styles que je pouvais mettre en avant. Et ça nous est venu tout naturellement, autour d'un café, cette idée que la politique, elle est aussi incarnée par des supports. Le premier chapitre sera donc un tract, le second est un discours, et ainsi de suite, de manière aussi à donner un spectre total de ce qui anime la vie d'une personnalité politique, même de plan local, comme c'est mon cas. Oui, du côté de Laval, pour préciser un petit peu. Alors, c'est très réussi, et c'est très réussi sous la forme de l'objet, parce que le chapitre 7, on peut en parler, peut-être sans dévoiler pas, non plus. Parlons-en. Le chapitre 7, c'est en fait une affiche qui se déplie, hein, une affiche de 5 mètres sur 4, pliée, un gros travail de façonnage par l'imprimeur, mais c'est une affiche de campagne, en fait, avec un slogan, avec vous, Dominique Lapastille, avec votre écharpe de alors, mandat. Ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on a hésité, encore une fois, avec mon éditeur, à choisir une vraie affiche de campagne, ce qui aurait été comme un petit clin d'œil à la population de Laval que je salue d'ailleurs. Et puis finalement, nous avons décidé de reconstruire une affiche. Alors oui, c'est moi, mais ce n'est pas mon nom. Et puis ce slogan est un slogan que je trouve très beau d'ailleurs, qu'on n'avait pas utilisé pendant la campagne, c'était notre deuxième choix, c'est « Laval, je l'avale ». Il n'y a pas overdose néanmoins. Il n'y a pas overdose. On avale les mots, on avale ces phrases, cette syntaxe qui vous est si particulière, et on se régale. D'ailleurs, l'aval, je me régale. Enfin, moi, je me suis régalé avec ce livre. Vous m'envoyez complètement ravi de vous entendre dire ça, parce que je sais que mes détracteurs ont au fait dire que ce livre n'est qu'un gigantesque tract, et je sais déjà que dans le journal de la mairie, dans les colonnes réservées à l'opposition, ils en ont fait leur chou gras. Moi, je le dis... C'est le, oui, mais ça, c'est, on va dire, juste c'est le CNPTF, Canal Historique, hein, qui a cru bon de dénoncer une pseudo-opération électorale. Dans la section locale, voilà, dans la section locale. Bon, au niveau fédéral, il n'y a rien eu à dire. Je crois qu'ils essayent désespérément de grossir leur rang, leurs militants à jour de cotisation n'étaient pas plus de 15, je crois, actuellement sur Laval. Voilà. Il y a plus de lecteurs. Écoutez, moi, je voudrais dissiper un malentendu tout de suite. Je fais totalement la différence entre ma carrière politique, si on peut appeler ça une carrière, encore une fois, à l'échelon local, et bien sûr, mon travail d'écrivain. Et je ne dis pas carrière. Je dis travail, car tout au long des... Je suis une jeune écrivaine, ça fait à peine 5 ou 6 ans que j'ai commencé à publier, j'en suis à mon troisième livre désormais. J'ai toujours voulu dissocier, et surtout, on ne parle pas des mêmes choses. Si je parle de la vie, dans les deux cas, je ne cherche pas à parler de moi dans mes romans, dans mes livres. Est-ce à comprendre qu'il faut appréhender Caramba, votre roman précédent, comme étant tout autre chose qu'une autobiographie? Dans Caramba... Une version existe, alternative Carambar. Carambar, oui, voilà. Carambar. Voilà. C'était un pied de nez pour les 700 premiers exemplaires, qu'on avait appelé Carambar. Hors commerce, évidemment. Hors commerce, évidemment. Et qui ont été distribués, notamment dans les meetings. Voilà. Et dans les bars également, où ils ont été extrêmement distribués. Je crois d'ailleurs que beaucoup de bars l'ont gardé et s'en servent comme livre d'or. Donc, dans Caramba, oui, je me livre. Je me livre et je raconte des souvenirs. Mais ce n'est pas de moi que je parle. Je parle des habitants de Laval. Je parle encore une fois de ces hommes et de ces femmes politiques que j'ai rencontrés. Et puis surtout, j'essaie de dresser le portrait d'une petite fille, c'est moi, face à l'immensité du zoo. Ce que j'appelle le zoo, c'est cette humanité. Et j'ai toujours été extrêmement curieuse, comme un enfant au zoo, devant les lions, devant les singes, devant les éléphants. Et je suis toujours cette petite fille face à cette humanité. Et j'ai essayé de faire une histoire universelle à partir de ces fragments d'enfance. Et certainement pas de re-raconter quelque chose que tout le monde connaît déjà, enfin, du moins je l'imagine, ma page Wikipédia étant relativement bien fournie. Oui, mais c'est quand même sur cette page Wikipédia que nous avons appris avec sympathie et néanmoins stupeur que vous aviez possédé une girafe dans votre enfance. Oui, alors... La politique est un cirque, on dit, mais finalement... Je vous avoue que cette histoire de girafe est un petit peu romancée. Vous n'y voyez pas de la communication, mais... non, je n'ai pas possédé de girafe. Des très bons amis de mes parents, les Philippot, Jean-Claude et Myriam, je salue Myriam, Jean-Claude étant décédé, ont eu à leur charge une girafe dans leur maison en Gironde, et j'y suis allé sur mes 7-8 ans. Et j'ai été très frappé par cette vision, à tel point que j'avais réclamé à mes parents de pouvoir la rapporter à la maison. un esprit très libre, vos parents, qui sont toujours inscrits dans une tradition assez, au niveau rien de péjoratif, mais assez libertaire d'un point de vue éducatif, oui, oui, se bien sont sûr. Effectivement arrangés pour que vous ayez une girafe à votre 8-9 ans, je ne sais plus. Oui, oui, et donc cette girafe est donc venue passer quelques temps à Laval, dans notre maison, en banlieue de Laval, et c'était ma meilleure amie. Vous voyez, je ne voulais plus aller à l'école, il fallait qu'elle m'emmène. C'est vrai que ça a créé un certain nombre de problèmes à l'époque, notamment au moment où il a failli l'euthanasier puisqu'elle avait mordu un chien. Je vous avoue que ce n'est pas sans émotion. Oui, c'est pas son scepticisme non plus qu'on imagine une girafe mordant un chien compte tenu de la différence de taille qui peut exister entre les animaux. C'était peut-être un très grand chien, mais enfin, nous versons là dans l'anecdote. C'était une petite girafe. Voilà, c'était une petite girafe. Alors, on n'en voit pas trace dans Foultitude. Et néanmoins, Foultitude a cette particularité, outre celle que j'ai dit, hein, d'être un objet avec des styles littéraires assez différents, de poser ce qu'on pourrait appeler votre théorie politique, à savoir, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des opportunités. Alors vous la résumez bien. Vous la résumez bien et c'est suffisamment rare pour être souligné. Pas d'ennemis, c'est certain. On peut, je crois, s'entendre avec tout le monde dans un cadre républicain, cela va de soi. Y compris avec des girafes. Tout est possible. Y compris avec des girafes. Si vous pouviez éviter de faire de l'humour avec des souvenirs d'enfance douloureux, je vous en serais reconnaissante. Néanmoins, cette histoire d'opportunité, elle me tient à cœur. Je crois que la France manque d'opportunités. Je crois que les Français ont perdu le sens de l'opportunité, le sens de saisir ces opportunités. Et moi, ce que je voudrais proposer, c'est justement un pacte dans lequel, plutôt que de sombrer dans un pessimisme d'opérette, chacun puisse faire de chaque malheur de la vie, de chaque chose qui arrive, une opportunité de rebondir. Et c'est ça que je veux dire, et que vous résumez extrêmement bien, par pas d'ennemis, des opportunités. Ce n'est pas la faute de l'autre si on s'est cassé la jambe. Ce n'est pas de la faute de l'autre si on a perdu son travail. Mais debout, au travail. En avant, donc. En avant. Et c'est tout cet espoir. Quand on referme le livre, on a envie de sortir de chez soi, d'aller dans un bar, d'aller parler, d'aller dire voilà qui je suis, qui êtes-vous, que faisons-nous, la rencontre. Où allons-nous. Et c'est quand même suffisamment rare. Moi, je n'ai pas lu tant de livres que ça dans ma vie de critique littéraire qui m'ont donné comme ça envie de sortir de chez moi, de courir, peut-être d'arracher mes vêtements et de me précipiter vers mon semblable. Bah, et c'est là où je me dis, il y a potentiellement Foultitude. Je referme le livre, il se produit quelque chose, une alchimie humaine, psychologie, je sors, je vais vers les autres, je sens une communion monter. Je crois que c'est l'ambition Foultitude. Du livre. C'est l'ambition du livre. Soyons nous au milieu des autres. Soyons les autres au milieu de nous. Et vraiment, je serais peiné de ne pas transmettre aux auditeurs cette envie qui est en moi. Ah bah, je peux vous le dire, dans le studio, là, genre, Blaise Popperville est tout feu, tout flamme. Ça arrive quelquefois, mais c'est tellement rare, Dominique Lapastille, que je me permets de mettre un peu plus d'émotion qu'il n'y en a d'habitude dans ce studio 2028. Mais je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup, et d'autant plus que la presse n'a pas toujours compris cette démarche-là. Et l'enthousiasme que j'essaie de transmettre, quand on voit qu'il est transmis, on a l'impression d'avoir rempli sa mission. On est au-delà de ce bête vivre ensemble, mis à toutes les sauces tous les jours. C'est autre chose. C'est le partage. C'est... Le vivre ensemble est une expression fourre-tout. Moi, je propose du partage. Oui. Je propose du partage. L'envie. L'envie d'aimer les autres et l'envie de construire ensemble une maison commune. C'est un beau concept politique. Vous avez su le traduire en littérature. Dominique Lapastille, je vous remercie pour cette intervention. Merci à vous. Je vous propose, ainsi qu'aux auditeurs, de nous retrouver prochainement sur Marque-Page, Marquez les esprits, on tourne dans les